Voici le résumé d'un commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée sous le titre « Nouvelle conspiration pour la confrontation fratricide ». Les autorités sud-coréennes continuent la démagogie anti-nord-coréenne et les menées de confrontation contre les compatriotes. Récemment, la bande de Bakounine a accepté l'entrée du diplomate de notre représentation en Grande-Bretagne qui s'y est évadé avec sa famille à la mise en public de son crime de peur de la punition juridique. L'homme en question a été convoqué déjà dans la patrie en juin dernier pour ses crimes de détournement de gros fonds d'État, de vente des secrets d'État et de viol de mineurs. Le parquet central de notre République a examiné ces crimes et a émis le 12 juillet la décision sur l'engagement de l'enquête sur ces crimes de révélation volontaire de secrets, de détournement de fonds d'État et de viol de mineurs. Les autorités sud-coréennes ont introduit dans leur pays l'homme sans aucune valeur, dans le but de ternir l'image extérieure de notre pays et de détourner l'indignation de la population contre leur domination antipopulaire et l'abuse à la démagogie contre notre République et à la confrontation fratricide. Ce qui est intolérable dans la dernière affaire, c'est que les autorités britanniques qui prétendent la soi-disant justice ont rejeté notre juste demande de passer le criminel et la coutume internationale sur la remise des criminels avant de le remettre aux autorités sud-coréennes en proie à l'hostilité contre les compatriotes. Au début de l'affaire, nous avions informé le côté britannique des crimes du déserteur et exigé de passer le criminel pour l'enquête. Mais les autorités britanniques ont abandonné l'obligation de protéger les diplomates dans leur pays et ont remis en Corée du Sud les déserteurs qui n'avaient même pas les passeports pour ainsi ternir leur image prétendant être pays de la justice. La conduite britannique dépourvue de la confiance élémentaire ne fera qu'empirer les rapports Nord-Sud qui sont déjà en état critique et cela ne rapportera aucun intérêt à la Grande-Bretagne aussi.